Bonjour à toutes et à tous, c'est Cassandra et aujourd'hui on se retrouve dans mon émission à l'écoute des jeunes sur Radio Gameuzo, vous nous écoutez bien sur le 107FM. Et j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Aspi, le président de la Ligue des droits de l'homme. Alors bonjour Monsieur Aspi, pouvez-nous nous faire une petite présentation? Donc bonjour, la Ligue des droits de l'homme, déjà je suis le président de la section d'Épinal. D'accord, hein, d'Épinal. De la section d'Épinal de la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme, donc, c'est une vieille dame qui a 120 ans, qui a été créée à l'époque de l'affaire Dreyfus, qu'on accusait donc à tort d'espionnage pour l'Allemagne. D'accord. Qui était un militaire juif, donc il fallait un bouc émissaire, et c'est sur lui que c'est tombé. Suite à ça, la Ligue des droits de l'homme est intervenue donc contre la colonisation, pour la solidarité et le droit des syndicats dans les entreprises, qui a lutté contre la guerre d'Algérie. Donc elle travaille énormément pour le respect de l'écologie, donc au niveau des biens communs. Mmh. Elle travaille aussi pour l'aide aux migrants, qui est un travail énorme qui nous prend 80% de notre temps. Mmh. Parce que on rencontre des personnes qui sont vraiment ces personnes qui arrivent, qui ont vécu des choses difficiles pour arriver jusqu'ici, et qui vivent encore des choses au niveau administratif, qui sont dans un véritable labyrinthe. Oui, administratif. C'est ça. Alors, je vais le sujet principal de mon émission, ça va être les jeunes migrants qui arrivent en France. Alors, je voudrais savoir qui les accueille dans les Vosges. Enfin, comment arrivent-ils à venir jusque dans les Vosges déjà? Et qui les prend en charge lorsqu'ils arrivent, quoi? D'accord. Donc, quand ils arrivent, ils arrivent en général à Paris. Alors, il y a des passeurs qui donnent des adresses, qui vendent même des adresses. Ah oui, donc, ok. Donc, il y a tout un réseau. Et à la gare de l'Est de Paris, il y a des gens qui disent qu'à Épinal, on accueille très bien les mineurs. Ils donnent même le numéro de téléphone de l'assistante sociale qui gère. Il y a le nom de cette dame et le numéro de téléphone de cette dame. Donc c'est vraiment surprenant. C'est bien, justement, hein. C'est très bien. Oui, je connais un jeune, avant de partir, on lui a dit, bon, les trois villes qui accueillent bien les mineurs, c'est Nantes, c'est Besançon et Épinal. D'accord. Et comme Épinal, c'était le moins cher pour en venir en Flexbus. Oui, c'est ça. Il est arrivé à Épinal, voilà. D'accord, hein. Ok. Donc, vous faites bien votre travail, alors. C'est pas nous qui faisons le travail, hein. C'est nous, on intervient une fois qu'ils sont là. Parce D'accord. que lorsqu'ils arrivent... Vous n'êtes pas censé être au courant forcément on n'est pas censé, non plus. Alors, par notre réseau, on commence à avoir une autorité. On est contacté par des jeunes en disant, voilà, il y a un tel qui est arrivé, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc on le dirige vers le conseil départemental, parce que c'est le conseil départemental qui gère les mineurs, hein, qui est responsable des mineurs non accompagnés. Et donc des fois, ça se passe très mal, parce que les gamins ne sachant pas quoi faire, ils vont au commissariat de police. Oh, et certaines personnes au commissariat de police se comportent très mal. Oui. Hein, j'ai vu une gamine qui s'est retrouvée en cellule. J'ai rencontré... Et pour quelle raison? Parce que ce policier, en particulier, je ne dirais pas son nom, les interroge comme si c'était des délinquants. Mais ce ne sont pas des délinquants. Ils ne sont pas des délinquants. Ils cherchent juste à fuir leur pays et leur guerre. Exactement. Et quand on quitte sa famille, on ne quitte pas pour le plaisir. Non, je ne pense pas. Donc, il veut leur faire avouer qu'ils sont majeurs, alors que c'est des gamins. Et on le voit bien en discutant avec eux que ce sont des gamins. On n'a pas besoin de les interroger comme des délinquants. Hein. Et donc, ça se passe des fois très mal. J'ai rencontré un gamin, ça faisait 8 jours qu'il était à la rue parce qu'il ne savait pas appeler le 115. Parce que ce monsieur avait dit qu'il était majeur. Donc, il fallait qu'il fasse d'autres démarches que les mineurs. Hein. Donc, c'est très compliqué. Et c'est une douleur pour eux. C'est vraiment, Un déchirement, je pense. Et donc, ça arrive que parfois ils arrivent en famille ou parfois seuls. Ils sont plus considérés comme mineurs non accompagnés s'ils sont en famille. D'accord. Hein, et c'est les parents qui... Bon, il y a une démarche auprès de la préfecture de Metz. Et après, c'est la préfecture d'Épinal qui prend en charge pour les majeurs, pour les familles. Et ces démarches sont longues ou ils arrivent... Très longues. C'est le mot attendre, le nombre de fois. Il faut avoir une patience. Et donc, il y a une angoisse, que ce soit pour eux, pour ces familles, c'est une grosse angoisse. Pour les mineurs, ça va un peu plus vite. et encore. Mais ça va quand même plus vite. Hein. Donc c'est une angoisse, que ce soit les mineurs ou les majeurs, c'est une angoisse parce qu'ils viennent avec rien du tout des fois, donc on ne peut pas prouver leur minorité, donc c'est beaucoup plus long. Mmh. Il y en a d'autres qui viennent avec un acte de naissance, mais un acte de naissance, il n'y a pas de photo, donc on ne sait pas si c'est eux ou pas. Hein. Donc pour le conseil départemental, c'est un travail laborieux. Hein. Et actuellement, dans les Vosges, il y a 245-248 gamins, donc c'est rien par rapport à la population vosgienne. Oui, mais ça fait quand même un chiffre d'enfants ou d'ados ou de jeunes adultes à protéger. Exactement. Et à scolariser pour certes ceux qui le souhaitent, oui. Etc. Mmh. Quoi, c'est, vous arrivez à tous les placer, entre guillemets. Alors, c'est le conseil départemental qui les place. Nous, on est juste là pour lutter contre certains faits. Mmh. Hein. Hein, c'est-à-dire que quand ils vont au commissariat de police et qu'ils sont mal accueillis, alors je ne dis pas que tout le commissariat se comporte mal, mais il y a des cas de personnes qui se comportent mal. Hein. Pourtant, donc, c'est eux qui sont censés représenter notre France. Tout à fait. Donc, à ce niveau-là, l'autre problème qu'on a eu maintenant, qu'on n'a plus, c'était le test osseux. C'est-à-dire que pour prouver leur minorité, des personnes leur faisaient faire une radio du poignet. Radio de la cage thoracique et radio de la mâchoire. Et en fond, alors c'est un test qui date des années 20 ou 30, je ne sais plus, qui n'est pas fiable du tout. Bah, je ne pense pas, non. Il y en a certains, je pense qu'ils arrivent, on dirait qu'ils ont 18 ans et ils en ont 15. Quoi. C'est ça, et le contraire existe aussi. Voilà, c'est hein. Ça. Alors donc, au niveau des tests osseux, le dernier gamin qui a eu un test osseux, il avait, donc au niveau du poignet, il avait entre 16 et 20 ans. Mm-hmm. Au niveau de la mâchoire, pareil. Et au niveau des épaules, il avait entre 16 et 40 ans. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il est mineur ? Est-ce qu'on peut dire qu'il est majeur ? L'amplitude est tellement large. Puis on passe de 16 à 20 ans à 16 à 40 ans. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas fiable du tout. Non, c'est pas fiable du tout. Hein, donc, on se bat contre les tests osseux pour Épinal et pour qui, les Vosges. C'est qui font ces tests ? Mais disons que, bon, je peux comprendre le conseil départemental parce que ça, même si j'aime pas cette notion de coût par rapport à des humains. Il y a un coût quand même. Le département n'est pas un département très riche, mais 245 gamins, c'est pas énorme non plus. Mmh. Hein, c'est pas énorme non plus. Donc il faut qu'ils arrivent à prouver la minorité de ces enfants. Parce que si j'ai bien compris, les mineurs sont, comment dire, je trouve plus mes mots. Ils sont pris en charge par une association Adalie. Alors Adalie, donc c'est une association qui est payée par le conseil départemental. Mmh. Hein. Et donc Adalie embauche des éducateurs qui gèrent ces gamins. D'accord. Et les éducateurs doivent trouver des écoles, des apprentissages à ces jeunes. Et on voit que tous ces gamins qui sont en apprentissage ou à l'école, ils ont d'excellents résultats. Bien il y a sûr. Une telle volonté de s'en sortir et de réussir. Je pense que oui. Je pense que c'est un exemple pour certains de nos gamins qui vont à l'école. Qui ne se rendent pas compte de la chance. Exactement, qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Et je voulais vous demander, est-ce que lorsque vous les prenez en charge, est-ce qu'au niveau des papiers, vous regardez s'il y a eu une demande de séjour de fait ou vous essayez de trouver quelqu'un qui peut leur faire leur demande de séjour. Comment ça se passe ? Il n'y a pas de demande de séjour pour les mineurs. Ou pour les majeurs ? Pour les majeurs, il y a une demande de permis de séjour. Donc on suit les dossiers, on les dirige dans le labyrinthe administratif parce que c'est très compliqué. En général, ils vont à la préfecture. Ils ne comprennent pas la langue aussi. Voilà, donc on a maintenant avec notre réseau, on a des traducteurs d'albanais, des traducteurs d'arménien, des traducteurs de russe, différents dialectes de pays africains. Mais en général, ils parlent français ou anglais, donc on y arrive. Hein. Mais c'est un vrai labyrinthe administratif pour réussir à avoir des papiers, un permis de séjour. Donc vous avez le droit de les accompagner dans leur démarche. Alors, on a le droit, oui, mais des fois, on n'a pas le droit de rentrer dans les bureaux. Oui, bien sûr. On dirige, mais on ne... Vous ne pouvez pas les accompagner, On ne peut pas les accompagner parce qu'on ne sait pas pourquoi. On n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ça m'est déjà arrivé de retrouver... Parce que vous êtes plus en situation de comprendre ce qui se passe, le système français, etc. Eux, ils débarquent de nulle part, ils sont complètement perdus, c'est... Enfin, pour eux, ça doit être un casse-tête. Ah, c'est... Et puis quand ils sont tout seuls, ils sont complètement perdus. Ah bah oui, ils ont perdu leurs repères, leur famille, tout ça, donc ils savent plus sur quel pied danser, quoi. Ah, et c'est assez effrayant pour eux. Des fois, j'ai des personnes qui ont déjà demandé une aide à une association et qui nous redemandent à nous. Donc on leur dit, mais est-ce que vous avez un avocat ? Non, j'ai pas d'avocat. Et en fin de compte, on se rend compte qu'ils ont un avocat et qu'ils font doublon parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Mmh. Donc il faut vraiment qu'on les rassure, qu'on leur explique. Vous prenez de votre temps. Oui, beaucoup de temps. Je pense que c'est pour créer un climat de confiance. Ça, bon, je ne suis pas tout seul à la Ligue des droits de l'homme, on est plusieurs à intervenir. Je pense que ça serait compliqué seul. Voilà, et plus on serait nombreux, plus on sera nombreux, mieux ça sera, parce que c'est très prenant et moralement... Et au niveau du temps, quoi. Puis oui, ça, je veux dire, pour vous, des fois, ça ne doit pas être très facile de les quitter et de savoir... Quand ils sont déboutés, ça fait très mal. Ça fait très mal, parce qu'on trouve ça complètement injuste. Vous pouvez vous imaginer que ce sont vos gamins, ou quoi, oui. Et ça doit être... Non, j'en suis pas là. J'essaye de prendre un petit peu... De distance. J'essaye de prendre la distance, même si c'est des gens avec qui j'ai partagé des repas, avec qui il y a eu un échange, il y a eu une amitié qui s'est créée. Mais pour moi, tout d'abord, c'est des êtres humains qui doivent être respectés. Mmh. Alors, c'est sûr qu'il y a des affinités qui vont se faire avec certains, qui vont se faire moins avec d'autres, parce que ce sont des êtres humains et on est tous différents. Donc voilà. Mais j'essaye de me protéger. Oui, parce que même pour vous, psychologiquement, des fois, vous devez vous sentir dépassé de ce qui se passe, impuissant. Impuissant, tout à fait. Oui, spectateur. Je suis qu'un citoyen lambda qui donne de son temps, c'est tout. Mm-hmm. Je n'ai pas de pouvoir. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer à des personnes, des fois, qui pensent que, en tant que président, je suis un titre un peu ronflant. Vous ne pouvez pas aller en dehors de la loi, quoi. Je ne peux pas aller en dehors de la loi, je ne peux pas aller plus loin que ce que je peux, en tant que citoyen, faire. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Nous pouvons plus exactement, parce que je ne suis pas tout seul. Et quand ils arrivent, quand ils arrivent à trouver les bonnes personnes à contacter, dans l'immédiat, et on leur propose un endroit pour dormir, quelque part où manger. Alors, comment ils font pour survivre, quoi ? Pour les adultes, on leur fait appeler le 115. C'est le centre de SDF. C'est le centre de logement d'urgence. D'accord. Mais le problème, c'est que le 115 est débordé. Oui, c'est... Alors, dans les Vosges, ça ne se passe pas trop mal. On arrive à trouver des solutions. Mais le plus compliqué, c'est lorsqu'ils sont déboutés du droit d'asile. D'accord. Où on leur fait bien comprendre qu'il faut partir. Donc, ils se retrouvent à l'hôtel. La majorité du temps, ils se retrouvent à l'hôtel. Et c'est très, quand c'est une famille complète, là on suit une dame avec ses 5 enfants, elle se retrouve à 6 dans une chambre d'hôtel. Ouh, avec un lit pour 6 Non, il n'y a pas qu'un lit, il y a quand même plusieurs, mais ils sont vraiment les uns sur les autres. Et pour faire à manger, pour faire clair. Les lessives, etc., c'est compliqué. Et ce que je voulais dire, donc oui, quand ils sont, par rapport au logement, donc quand ils sont reconnus par la préfecture demandeurs d'asile, il y a 2 associations qui gèrent les familles. Donc il y a la Fédération médico-sociale et il y a le CADA ADOMA. D'accord. Donc voilà, c'est eux qui gèrent à ce moment-là. Nous, on n'a plus rien à faire à part, et ils sont suivis au niveau administratif, etc. On n'a pas tout sur les épaules non plus. Alors des fois, ils nous demandent des conseils supplémentaires parce que, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des doutes. Il y a des peurs. Bah, c'est donc normal, ils ont besoin de demander d'avoir plus de renseignements possibles. Ils ne savent pas s'ils peuvent réellement faire confiance à qui, à quoi, exactement. Comment. Parfait. C'est compliqué, je pense. Et du coup, pour les majeurs ou les mineurs, enfin je dirais plus pour les mineurs, pour le coup, vous leur apprenez, enfin Adali, je dirais, prennent du temps pour leur apprendre à faire le ménage, de la lessive. Oui, c'est l'éducateur, et c'est l'un des rôles de l'éducateur. Parce que des gamins de 15-16 ans, des fois, ils ne savent pas se faire à manger. Non. Ouais, ils se nourrissent mal. Et puis, je pense qu'on n'a peut-être pas la même nourriture qu'eux non plus. Exactement. Et puis, l'autre chose qui se passe, c'est que, ils voient, au début, ils trouvent notre société complètement futile. Et puis ils sont vite dedans. Ouais. Et puis, par exemple, pour le téléphone. Le téléphone, c'est avoir le contact avec la famille déjà. Mmh. Bah, pour eux, c'est le dernier. Qui est resté au pays. Et puis, c'est la modernité. Les chaussures, alors, les beaux habits. Alors, des fois, ils se privent de nourriture, parce qu'il y a plein de personnes qui disent « Oh, mais ils ont plein de sous, ils ont tous des derniers portables, ils ont des dernières chaussures, etc. » Mais on se rend compte qu'ils se privent au niveau de la nourriture. Pour pouvoir s'acheter. Pour pouvoir s'acheter, pour être comme les autres. D'accord, pour, pas faire, pour être accepté voilà, peut-être pour aussi. Pour ne pas faire, entre guillemets, tâche par rapport aux autres jeunes. D'accord, ok. Donc, c'est surprenant. Oui. Qui veulent vraiment s'intégrer. C'est l'une des preuves qu'ils veulent s'intégrer. Bah oui, moi, quand j'étais à la conférence, je les ai tous vus bien habillés, des belles chaussures. Enfin, ouais, je les ai trouvés bien, quoi. Mais bon, c'est un peu dommage pour eux, quoi. Mais c'est des gens comme les autres. C'est des ils n'ont pas quelqu'un derrière eux qui gère le budget. Alors, comme, au niveau d'Adali, je ne sais pas s'ils gèrent, si les gamins gèrent eux-mêmes leur budget. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais ils ont s'ils sont à l'école, ils ont 280 euros par mois, donc ce n'est pas non plus une fortune. Bah, hein. C'est limite pour manger, quoi. C'est ça. Bon, ils sont logés, chauffés, l'électricité qui est payée par Adali, et ces 280 euros, bah, c'est pour se nourrir. Survivre, alors, hein, c'est survivre, voilà. Mais je vous dis, j'en ai rencontré plusieurs, je vois bien qu'ils se nourrissent que de pâtes et de riz. Bon, c'est un peu plus nourriture locale, voilà. Mais ils se nourrissent, pour moi, ils se nourrissent peu. Ouais. Donc, niveau viande, vous, tout ça. Ça, je n'ai pas vérifié, mais je sais, j'en vois certains qui, quand je passe par hasard, je vois très bien que c'est beaucoup de pâtes, beaucoup de riz. Donc, assez pas rapide cher. Alors, et pas quand cher. Ils se retrouvent à plusieurs dans un appartement, quand ils s'entendent, eh ben, ils rachètent des grosses quantités. C'est bien ça. Ça coûte moins cher. C'est ça. Voilà. Et bon, certains, ça se passe moins. Ben, c'est des êtres humains. Oui, donc il y a des fois des affinités qui se font. Bien, voilà, ils s'entendent mal. Voilà, c'est ça. Il y a des affinités qui se font dans certains appartements entre les jeunes. Et puis d'autres, ben, ils font chacun leur repas dans leur coin. Et quand, au niveau de leur budget, par exemple, s'ils doivent prendre le bus pour se rendre à l'école ou des choses comme ça. Ils ont une carte bus qui est payée par Adali. D'accord. Ah, oui, c'est bien. Donc oui, c'est leur argent de survie, en quelque sorte. Et je voulais aussi demander, quand ils arrivent, je pense que la langue est une barrière. Vous avez dit que maintenant, il y avait beaucoup de traducteurs. Mais bon, tous les gamins qui sont albanais, c'est un problème au départ. Mais on se rend compte qu'ils apprennent à une vitesse. Je connais un jeune qui est là avec ses parents. Ça fait pas un an qu'ils sont là. Il parle presque français. À peu de choses près, il parle français comme vous et moi. Oui, c'est l'envie de s'adapter. S'intégrer. Et puis ça, ils sont obligés. Oui, de toute façon, je pense que là, quand ils posent une question, bah, ils sont entendus. Et quand ils parlent une autre langue, c'est plus difficile. C'est ça. Hein, et en ce qui concerne les gamins qui viennent d'Afrique, bon, il y en a la majorité qui sont francophones et puis les autres qui sont anglophones. Donc ça va, on arrive à, oui, ça, vous à se comprendre. Débrouiller un petit peu. Donc oui, je voulais vous demander au niveau des interprètes. Mais bon, vous m'avez déjà dit que vous en aviez voilà, pas mal. Voilà, on a déjà pas mal d'interprètes. À ce niveau-là, on se débrouille. Et au niveau de leur santé, comment ça se passe? Alors, conseil départemental, c'est la première chose qu'ils regardent. Parce que oui, en arrivant, ils ont peut-être perdu du poids, stress post-traumatique. Hépatite B, parce que dans le voyage, il y en a beaucoup qui attrapent. Mais ça se soigne très bien. Oui, et donc, les gamins sont vite guéris. Parce qu'en France, notre médecine est quand même bien... Oui, on a une bonne chance. Une bonne chance d'avoir une bonne médecine. Donc, ils sont soignés très rapidement. Mais bon, ce qu'on rencontre par contre, c'est ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que ceux qui passent par la Libye sont torturés. Ouais, j'en ai entendu parler énormément. Je regardais un reportage, c'était une dame sur Paris, et elle expliquait que quand certains migrants voulaient repartir, elle leur disait « n'allez surtout pas en Libye, on va vous frapper, vous serez esclaves ». Oui, c'est ça. Moi, j'ai rencontré un gamin... En Libye, on lui a dit, de toute façon, tu n'iras pas en Europe, on va tout faire pour pas que tu ailles en Europe. Donc, il s'est fait arrêter par la police. Ils l'ont couché sur une table. Ils ont pris un bâton avec une ficelle qui était de chaque côté du bâton. Ils ont tourné autour de ses chevilles jusqu'à ce que la malléole pète. Oh, mon Dieu. Oui. Excusez-moi, je suis un peu cru dès le matin. Hein, mais c'est... Et sans parler des filles. Hein, c'est... Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de filles qui arrivent, parce que beaucoup de personnes disent « Ah, ben, il n'y a que des garçons ». Ben oui, les filles se font violer. Ils disparaissent carrément.

il est prévu des aides psychologiques aussi. Parce que suite au périple qu'ils ont eu pendant leur voyage, tout fort, ça... Je le trouve vraiment très fort. Ah ouais, non, mais je pense qu'il faut avoir un mental déjà... Hein, quand certains... ils savent qu'ils peuvent y laisser leur peau, quoi. Ah oui, bah, traverser de la Méditerranée, surtout sur des embarcations de fortune, et même quoi. Ceux qui arrivent en avion. Bon, c'est plus brutal, c'est sûr. Tout le cheminement de ceux qui viennent en bateau... qui traversent plusieurs pays d'Afrique avant d'arriver en Europe, c'est tout un chemin entre guillemets initiatique, parce qu'ils voient l'évolution, ils voient tout ce qui se passe chez nous, alors que ceux qui arrivent en avion, à un moment X, ils sont en Afrique, à un moment Y, hop, ils sont en France. Oui, donc il y a eu juste le temps du vol. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas, pendant qu'ils étaient dans l'avion, ils ne se sont pas dit que... Enfin, je ne pense pas qu'ils se sont dit dans leur tête, je vais y laisser ma peau, alors que là, ils sont plusieurs... Arrivés sur place, ils sont surpris. Ouais. Parce qu'en général, ils arrivent avec ils arrivent avec un faux passeport, en particulier les Congolais, Congo-Kinshasa, où c'est le pire des pays d'Afrique, où on discute avec quelqu'un qui est opposant, et on ne sait pas qu'il est opposant. Un militaire passe par là... Et ils vous considèrent comme un opposant aussi. D'accord. Hein. Alors qu'il n'y a rien à voir. Alors qu'il n'y a rien à voir. Pas du tout. Au Congo, au Kinshasa, les militaires peuvent rentrer dans une école parce qu'il y a une manifestation. Et les gamins disparaissent. D'accord. Hein. Donc quand ils quittent le Congo, parce qu'ils voient bien qu'il y a le père qui s'est fait descendre parce qu'il est opposant politique. Mm-hmm. Donc ils savent très bien qu'il faut se sauver parce que après ça sera eux. Donc ils arrivent à avoir des faux passeports. Mais que le passeur récupère à l'aéroport à Paris. Et pour après le redonner à quelqu'un d'autre. Donc ils rentrent en France avec un faux passeport. Mmh. En général, c'est un passeport où ils sont majeurs. Et donc au niveau de l'informatique, ils rentrent dans les fichiers comme majeurs. Donc il faut prouver qu'ils sont mineurs. Mmh. Donc il faut qu'on arrive à avoir des contacts avec des amis à eux qui sont restés au Congo pour arriver à trouver des documents qui prouvent leur minorité. C'est incroyable. Il y a un sacré travail par derrière, en fait. Oui, heureusement qu'on est une dizaine à pouvoir... et puis qu'on n'est pas la seule association à les aider. Je veux dire, comment... Au niveau... Enfin, ils vous laissent prendre leur contact, tout ça, quoi. Ça dépend de la confiance qu'on arrive à avoir. Quoi. On leur demande aussi de le faire. On ne va pas tout faire à leur place. On les aide... Mais bon, quand il faut prendre contact avec de la famille ou des amis à leur pays d'origine, c'est eux qui font, c'est pas nous. Et quand le 115 est débordé, déjà en période hivernale, c'est ce qui se passe déjà beaucoup, est-ce qu'il y a des familles d'accueil qui peuvent les prendre en charge ? Oui, on le sait, c'est déjà arrivé. D'accord. C'est déjà arrivé. Et donc, j'ai entendu dire que ces personnes étaient en obligation... de les loger et de les nourrir sans qu'il y ait d'argent entre eux, que c'est accord. C'est de la solidarité. Voilà, de toute façon, ils n'ont pas d'argent en général. Les gamins qui ont traversé la Méditerranée, ils ont travaillé en cours de route pour avoir un peu d'argent, pour payer leur nourriture, acheter un bateau pour traverser. Parce que j'ai entendu aussi qu'il y avait un sacré business qui était en train de se faire au niveau des passeurs. Et qui sont énormément d'argent. À Paris, il y a des gens qui sont clandestins et qui, pour avoir une adresse, louent une boîte aux lettres. Et ça leur coûte une centaine d'euros par mois. D'accord, ok. Ça fait un peu cher. Oui, ça fait un peu cher pour une boîte aux lettres. Mmh, on ne dort pas dans la boîte aux lettres en plus. Hein. Donc, L'abus de confiance. Il y a abus de confiance. Même pour moi, c'est une arnaque, une escroquerie sans nom. Déjà, 100 euros pour eux, je pense que ça leur paraît énorme, quoi. Ouais. 100 euros, s'ils ont des enfants ou quoi, c'est de la nourriture, des habits chauds. Et au niveau de la scolarisation, c'est le conseil départemental qui s'en charge. Que ce soit des mineurs non accompagnés ou que ce soit des enfants en famille, les enfants vont à l'école. Tous les enfants doivent aller à l'école. Ce sont des enfants avant d'être des migrants. On est d'accord. Hein? Donc, ils vont à l'école... Dès que, pour les mineurs non accompagnés, dès que le conseil départemental a réussi à avoir une certitude qu'ils sont mineurs, ils vont à l'école, ils vont en apprentissage, et ce que je disais tout à l'heure, ils ont des résultats scolaires extraordinaires. Ils sont tête de classe. En tant qu'apprenti, les patrons sont ravis parce que c'est des gamins qui en veulent. Bah, c'est ça, je pense qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont d'être à l'école, d'avoir un diplôme. Nous, on ne se rend pas compte, puisque depuis qu'on est nés, nous, on est à l'école, et puis pour nous, bah, en fait, c'est saoulant. Oui, et eux, ils se rendent compte que grâce à ça, ils vont pouvoir travailler et s'assumer. Quoi. Exactement. L'école, pour vous donner un exemple, au Cameroun, le SMIC est environ à 40 euros. L'école, c'est 100 euros par trimestre. Ah, donc ils ne peuvent pas aller à l'école. Et même s'ils ont fait d'excellentes études, pour monter socialement, c'est impossible. Oui, je peux le comprendre, oui. Un gamin qui vit dans une famille qui travaille dans les plantations, il sait très bien que même s'il a des excellents résultats scolaires, Il restera dans la plantation. Oui. Et tous les établissements sont en capacité de les prendre ou Oui, tout à fait. Aussi, il y a des enfants qui sont dans le privé, comme il y en a qui sont dans le public. D'accord. Et au niveau du privé, c'est qui... C'est le conseil départemental qui paye. D'accord. Et par intermédiaire d'Adali. Comme tout à l'heure, je parlais du stress post-traumatique. Donc, souffre-t-il de stress post-traumatique dû aux difficultés rencontrées du pays, quoi. Moi, je suis la force de ces gamins. Je trouve qu'ils ont une force, mais une volonté énorme. Mais ils ont plus de volonté que nous, Français, et ils se font rejeter alors que c'est aussi l'avenir de notre pays, quoi. Et puis l'autre chose, c'est qu'on se rend compte que dans le bâtiment, en restauration, en boulangerie, il y a plein de postes qui ne sont pas pourvus. Et on commence, ça y est, on arrive, ça fait un bout de temps que nous, les droits de l'homme, disons qu'il y a plein de postes qui ne sont pas pourvus et qu'on peut les proposer aussi bien aux pères ou mères de famille qu'aux mineurs de nos compagnies en apprentissage. Et ça y est, on se rend compte que ces enfants donc, vont dans ces corporations que nos enfants ne veulent plus faire. C'est ça. Métier qu'ils ne veulent plus faire. Et il y a une volonté. Alors qu'il y en a certains qui ont des capacités intellectuelles terribles et qui se retrouvent... je ne dis pas que c'est des sous-métiers, parce qu'on peut, l'avantage en France, c'est qu'on peut progresser professionnellement. On peut être électricien de base et, puis après, et arriver jusqu'à l'ingénieur électrotechnique sans problème. Donc c'est ça qu'on leur explique, parce que certains comprennent pas. Ça doit leur donner envie, forcément. Ceux qui sont vraiment doués, on leur explique qu'il faut qu'en tant que mineur, ils aient un métier rapidement. Parce qu'à la majorité, le conseil départemental les aide. C'est comme les enfants en famille d'accueil. C'est ça, exactement. Ben, voilà. C'est le même principe. C'est comme pour les enfants français en famille d'accueil. Donc à 18 ans, il faut qu'ils soient indépendants et qu'ils puissent s'assumer. Et lorsqu'ils ne sont pas indépendants, il faut bien subvenir à leurs besoins, le minimum, quoi. Nourriture. À quel âge vous parlez ? Je dirais plus les majeurs. Quoi. Alors les majeurs, je vous dis, moi, ce que je suis agréablement surpris par rapport à nos jeunes, ils veulent leur indépendance, ils ne veulent pas d'aide sociale, aussi bien les familles que les mineurs de notre... Ils nous disent, mais j'en ai rien à faire de vos aides sociales. Je veux gagner mon argent. Je veux gagner mon argent, je ne veux pas qu'on m'aide, je ne veux pas être... ils veulent avancer. Je veux être autonome. Là, je connais un monsieur qui était ingénieur, il se retrouve dans une entreprise à la base parce que son diplôme n'est pas reconnu en France. D'accord. Alors que, et donc, son patron est surpris de voir la dextérité qu'il a. Mais c'est normal, il est ingénieur au départ. Donc, il fait un montage d'une boîte de dérivation, de comment ça s'appelle ? Manutention. Non, au niveau de l'électricité, au niveau des tableaux électriques. On lui demande de faire 10 fois un tableau électrique. Il voit le plan de montage une fois, après, c'est dans la tête. Il fait son montage sans regarder le plan. Donc, comme quoi, ils sont comme c'est nous, quoi. Comme nous, exactement. Et ça, c'est, les gens ont du mal à comprendre. Mais ça, le problème qu'on a, c'est qu'on a toujours eu, que ce soit dans les années 20 ou maintenant, il y a toujours eu la peur de l'étranger, la peur de la personne différente. Alors qu'il suffit d'aller discuter avec ces personnes et se rendre compte que c'est des êtres humains. Et moi, je pense qu'au contraire, demain, on en trouve un dans la rue ou quoi, aller lui parler. Exactement. Salut, ça va. Exactement. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Sans qu'ils se sentent agressés. Bon, on a déjà eu le problème d'un monsieur qui ne voulait pas d'aide. Donc, on lui dit, écoutez, voilà. Vous savez où on est. Voilà, c'est ça. Et moi, régulièrement, j'avais des personnes qui me téléphonaient en disant « T'as vu le monsieur qui a tel endroit ?» Je dis « Oui, vous êtes le 30e à m'appeler et il ne veut pas d'aide. » Donc, il a fallu que l'hiver arrive et qu'il fasse très froid pour qu'il accepte. Je pense que c'est un peu leur fierté et leur dignité. Je pense que déjà, leur parcours a été très compliqué. Il n'y a même pas de mots pour décrire ce qu'ils ont vécu. Et je pense qu'une fois arrivés ici, ils se disent « ça y est, c'est bon, je vais essayer de m'en sortir tout seul ». Est-ce que, en reparlant d'aller vers l'autre, il ne faut pas juger les gens sur la couleur de la peau, leur religion, leur origine. On discute avec eux. Voilà, on discute avec eux, on a des affinités, c'est bien, on n'a pas fait d'affinité. C'est pas grave. Mais on ne peut pas juger dès le départ en disant « Oh non, je ne vais pas lui parler parce qu'il est maghrébin, parce qu'il est d'Afrique subsaharienne. » Il peut me faire du mal. Il ne faut pas avoir d'appréhension. La personne, on est tous des êtres humains. On peut être agressé par une personne qui a la peau blanche, d'origine chrétienne, je dis n'importe quoi, alors qu'il est depuis des générations en France, il peut être aussi très méchant aussi. Donc il ne faut pas juger sur la mine. Parce que eux, je pense qu'au niveau de leur approche par rapport à nous les Français, ils doivent penser, parce que je sais que c'est un peu le cas, les gens, comment ils les regardent, vous n'êtes pas Français. Enfin, je vois les gens de l'appréhension. L'appréhension, c'est ils prennent notre travail, ils prennent notre argent. Les gens qui sont RSA, oui, ils me prennent une partie de mon RSA. Mais pendant 5 ans, il faut attendre 5 ans pour le RSA. Pour le RSA, il faut attendre 5 ans. Donc, mais pendant 5 ans, ils n'ont rien, quoi. Ils veulent travailler. Alors que certains Français sont très bien au RSA ou au chômage. Oui, c'est sûr. Mais bon, c'est tout notre vécu qui fait qu'ils se retrouvent comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des familles, ça fait 3-4 générations qui sont au chômage. Le gamin qui naît, il ne sait pas ce que c'est que de se lever le matin, d'aller travailler. Oui, il ne voit pas ses parents. Donc il y a tout un vécu qui fait qu'il ne comprend pas. Parce que eux, depuis qu'ils sont petits, ils sont baignés dans le travail. C'est des personnes qui ont le goût du travail en général. C'est pas ça. C'est que maintenant, les paraboles, ils voient notre société. Ils voient qu'on a. Je vous parle de l'Afrique ou de l'Albanie. Ils voient qu'ils vivent difficilement. Ils voient qu'il y a un certain confort en Europe qu'ils n'ont pas, alors que l'Afrique est un pays très riche, mais que certains industriels pillent. Quand on regarde le téléphone portable, c'est des gamins de 8-10 ans qui sont allés chercher les terres rares pour fabriquer nos téléphones portables. C'est malheureux. Quand on voit, quand on mange du chocolat, les fèves de cacao, c'est 1 euro le kilo. Et nous, quand on voit le prix de la tablette de chocolat... c'est pas l'équivalent d'un. Il y a encore ça. Des intermédiaires qui s'en foutent plein les poches. C'est ça. Et qu'on laisse les gens dans des conditions de vie épouvantables. En Côte d'Ivoire, c'est un pays aurifère. Il y a des mines d'or énormes. Qui c'est qui gère les mines d'or et qui en ramasse les dividendes? C'est le Canada, l'Angleterre et l'Australie. Si je ne me trompe pas. Et 87% de ces mines d'or. Les Ivoiriens n'en voient pas la couleur. C'est le cas de. Oui, c'est de l'esclavage, clairement. C'est de l'esclavage. Les diamants qu'il y a dans parce que là, à force, il n'y aura plus de richesse. Ils sont en train de tout démonter. Il y a encore, mais ils n'en voient pas la couleur. Et c'est ça qui est. Pourtant, c'est leur raison, pays. Oui, c'est la raison pour laquelle ils viennent en Europe, parce qu'ils aspirent à un monde meilleur. Mm-hmm. Et on ne quitte pas sa famille par plaisir. Par plaisir. Non, je pense pas. Et quand ils arrivent aussi, vous leur est-ce qu'ils passent un test pour voir s'ils sont indépendants, s'ils sont autonomes, les motifs qui les ont poussés à quitter le pays, l'itinéraire pris, la durée. L'autonomie, vu le parcours qu'ils ont fait, oui, je pense qu'ils sont autonomes. Ils sont autonomes. Bien sûr. Ça, y a pas, ils ont pas dû de se débrouiller. Ils ont dû se débrouiller pendant tout le chemin. Donc l'autonomie, ils l'ont. il y a un test au CIO, Centre d'information et d'orientation, pour voir leur niveau scolaire. D'accord. Mais tout le reste, c'est les éducateurs qui vont voir si ça fait à manger, leur montrer, leur dire qu'en hiver, s'il fait trop chaud, on n'ouvre pas la fenêtre, mais on baisse le radiateur. Il y a toute une éducation à faire à ce niveau-là. D'accord, donc toutes les bases sont reprises. Toutes les bases, c'est aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Oui, ils vivent dans un monde où il n'y a pas de chauffage. Je connais un gamin, il est venu chez moi, il a vu mon insert, il croyait que c'était une télé. Et en été, il se dit, mais c'est quoi ça? Ils sont surpris par plein de choses. Les routes ne comprennent pas qu'on ait du goudron partout. C'est vrai, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Même monter dans une voiture. Même monter dans une voiture. Au départ, ils sont montés très rarement dans une voiture, aussi dans des bus, pas dans des voitures. Donc, ils sont complètement perdus. Pas perdus, mais surpris par notre mode de fonctionnement. Ils passent de quelque chose d'assez calme, naturel, à quelque chose avec d'assez bruyant. Avec des contraintes énormes. Non, c'est surtout des contraintes qu'ils avaient, qu'ils ont pu ici. Un gamin, pour aller à l'école, qui me racontait, c'est une heure et demie d'aller à pied, une heure et demie retour. Donc ils n'allaient pas à l'école, quoi. Oui, ils allaient à l'école quand même, parce qu'ils voulaient, ils veulent apprendre. Ouais, mais il y en a certains qui ne peuvent pas, parce que c'est trop loin. Voilà. Ou quand les parents n'ont pas les moyens, les gamins vont y aller un trimestre, le trimestre d'après, ce sera le frère qui ira, parce qu'il n'y aura pas les moyens pour les deux. Pour aller chercher de l'eau, il faut le chercher à la source. Ouais, nous, on a juste à ouvrir notre robinet, quoi. Donc, quand on dit que physiquement, ils sont costauds, oui, quand on fait une heure et demie aller, une heure et demie retour pour aller à l'école, qu'on fait 40 minutes pour aller chercher de l'eau. Puis je pense qu'ils le font sans se plaindre, surtout. Contraints et forcés, parce que c'est leur survie. C'est ça. Puis nous, on se plaint parce que l'eau, elle n'est pas assez froide quand elle sort du robinet, quoi. Donc, il y a un décalage énorme de notre société qui est complètement folle. Et eux qui partent et qui arrivent et qui voient que cette folie de notre société, qui est une société de consommation, qui est une société individualiste parce qu'il y a peur de l'autre, qu'on nous prenne notre petit ordinateur ou notre petit téléphone portable, il y a un décalage énorme. Et au niveau de l'école, vous savez si ça se passe bien, s'ils arrivent bien à s'intégrer avec leur Alors, il y en a certains qui souffrent beaucoup du racisme. Et ça, je trouve ça inacceptable. Il y a des gamins de leur classe qui se moquent d'eux, de leur accent, hein, qui disent que « Oh, mais de toute façon, t'es le meilleur de la classe parce que t'étais en terminale, alors que l'école, on sait très bien ce qui se passe, parce que je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de l'école, ils y allaient d'une façon très irrégulière. Hein, il y a une telle volonté. Et puis bon, il y a aussi pourquoi ils sont partis, c'est pour aller à l'école. Donc c'est qu'il y a déjà, au départ, il y a une volonté de réussir. Et après, je veux dire, ces jeunes-là, ils rentrent chez eux, ils font leurs devoirs, mais leurs collègues de classe ou quoi, ils savent pas s'ils ont la tête dans les livres, tout ça. Donc, je comprends pas pourquoi ils viennent à juger. C'est peut-être de la jalousie mal placée. C'est de la jalousie mal placée. Et puis, je crois que c'est de la jalousie mal placée. Malsaine aussi, je dirais. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours le problème du racisme. Bon, après, on est un peu en 2018, je pensais qu'on avait réussi à passer outre, ce racisme a toujours existé. Hein, parce que il y a une émission qui est passée dernièrement sur France 2, qui s'appelle « L'histoire de notre nation », où on voit des étrangers qui allaient en médecine, ils avaient le droit d'aller en médecine, mais ils n'avaient pas le droit d'exercer derrière. À quoi ça sert? Parce que certains disaient qu'ils allaient prendre leur travail. S'il est meilleur que... Enfin, voilà, quoi. J'ai toujours posé la question. J'ai un grand-père, quoi. Mes grands-parents étaient d'origine polonaise. Et j'avais appris qu'une de mes tantes qui habitait en Pologne était venue faire ses études en France. Et j'ai jamais compris pourquoi elle était retournée en Pologne après. Et cette émission m'a appris qu'elle avait un diplôme de dentiste, mais qu'elle n'avait pas le droit d'exercer en France. Donc, c'est pour ça qu'elle est retournée en Pologne. Ouais, ça a toujours existé. Que des années 20 et même les années 20, c'est le début un peu des immigrations. C'est mon point de vue, mais je pense que qu'on soit blanc, noir, jaune, beige, n'importe quelle couleur, des cons restent des cons, quoi. Mais c'est bien ça qui est ça dommage. Il y a énormément de Français cons, quoi, dans d'autres pays aussi. Enfin, je veux dire, ça change rien, quoi. Mais c'est la peur de l'autre. On est toujours. Mais peur de là. Quoi, je veux dire, ils sont comme nous, un cœur, une âme, un esprit. Les Italiens, dans les années 20, quand ils sont arrivés, On disait qu'ils allaient piquer les femmes des Français, que c'était des dragueurs, qu'ils faisaient du bruit, qu'ils étaient sales. Et ça, c'est toujours maintenant. Et on en est toujours là. Mm. C'est-à-dire que les Polonais, bah, c'était des ivrognes. Toujours associé, quoi ? Mais c'est ça qui est terrible. C'est qu'on a peur, beaucoup de, bah, on, c'est, certaines personnes ont peur de l'autre parce qu'ils ont peur de... ils ont peur de l'inconnu. Alors qu'il suffit d'aller discuter avec les gens, ce que je vous disais tout à l'heure, pour se rendre, et on a le droit après de dire, une fois qu'on a discuté avec ces personnes, hein, on a le droit de dire, eh ben, je ne m'entends pas avec lui. Mais je m'entends, c'est pas, je m'entends pas avec lui parce qu'il vient d'ailleurs, parce qu'il a une autre couleur de peau, il a une autre culture, une autre religion. Je ne m'entends pas avec lui parce qu'on n'a pas d'affinité. Voilà, voilà, tout simplement, au lieu de juger au premier abord. Exactement. Et nous allons passer un petit morceau de musique, c'est Le Forestier, Être Né. Quelque part. Quelque part, pardon. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. De Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Et voilà, nous avons passé notre pause musicale. Alors, nous allons repartir sur un autre sujet. Alors, qu'est-ce qui se passe entre les frontières européennes ? Alors, il y a les accords de Dublin, c'est-à-dire que un étranger non européen rentre en Europe et normalement, c'est le premier pays européen qui doit l'accueillir. Donc, il se passe que les trois pays qui sont les plus sollicités, Italie. C'est l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Ouais. La Grèce, financièrement, c'est très dur pour eux parce qu'ils sont dans une crise énorme depuis des années. L'Italie, elle a basculé vers l'extrême droite et ils ne veulent plus les accueillir. J'ai vu que ça, c'était un énorme boom en ce moment. Je ne sais plus, c'était un préfet italien ou je ne sais plus qui avait posté un message sur Twitter où il disait qu'il allait tout faire en sorte pour bloquer les frontières. Bah, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur, Salvini, qui a refusé donc, l'accueil d'un bateau qui avait sauvé l'Aquarius, qui avait sauvé des migrants en mer. Et en bloquant ces frontières-là et avec les accords de Dublin, c'est épouvantable. C'est-à-dire qu'on est en train de créer un cimetière en Méditerranée. C'est ça. C'est un nouveau génocide. On est en train de créer un nouveau génocide. Hein, parce que on demande juste un petit peu de solidarité. Solidarité. Quoi. Est-ce qu'on... C'est de l'humanité, Est-ce que dit Monsieur Salvini, c'est on les renvoie en Libye. Mais en Libye, c'est ça. Ils vont se faire torturer, ils vont se faire massacrer en Libye. Donc c'est pas la solution. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est casser ces accords de Dublin et répartir ces personnes dans toute l'Europe. Parce que c'est pas, on va pas être envahi comme certaines personnes le disent. Oh, ça, je l'ai beaucoup entendu. Hein. On va pas être envahi parce que déjà il faut une sacrée volonté pour partir de son pays. Hein. Seul, ou en famille. Hein. Il faut une sacrée volonté. Et puis savoir qu'on peut y risquer sa peau, moi ça me refroidirait énormément de me dire que je vais passer des jours et des jours dans la Méditerranée à pas savoir ce que je vais manger, ni boire, ni plus avoir mon petit confort, quoi. Oui. Donc ces accords de Dublin pour moi doivent être cassés, ils doivent avoir une répartition dans toute l'Europe. Hein. Bon, on se rend compte qu'au niveau de l'Europe... On se dirige de plus en plus vers le populisme, que ce soit en Italie, que ce soit en Hongrie, que ce soit en Autriche. En Allemagne, l'extrême droite monte aussi. C'est ce que j'allais vous demander, parce que j'ai vu que l'Italie et l'Allemagne, en ce moment, c'était un peu tendu. C'est tendu parce que M. Salvini refuse, et il estime que l'Europe n'a pas assez aidé l'Italie. Hein? Mais... Pourquoi fait-il partie de l'Europe alors? Il refuse l'Europe. De toute façon, il voudrait casser cette Europe. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas une Europe idéale, on n'a qu'une Europe économique. Il faudrait créer une Europe sociale, il y aurait solidaire. Plein de choses. Et solidaire. Alors que là, tout le monde il y a une certaine solidarité parce qu'il y a des aides économiques, mais il n'y a jamais assez. Hein? C'est-à-dire qu'on trouvera toujours la raison pour laquelle. Cette Europe, pour moi, l'Europe ne va pas assez loin. Ce que je vous disais tout à l'heure, on fait une Europe économique et pas solidaire, et sociale et solidaire. Hein. Il faudrait que les salaires montent dans les pays les plus défavorisés, alors qu'on voit pourquoi ça. Bon, on est un peu hors sujet par rapport à ce que on dit à notre sujet. Hein, parce qu'il faudrait qu'économiquement, les revenus soient plus en adéquation entre tous les pays d'Europe. C'est vrai. Hein? Il y aurait moins de délocalisation, et ça se au niveau écologique, ça se passerait mieux, etc. Bon, là, on est un peu hors sujet. Mais je reviens sur le sujet donc, des migrants. Il faut qu'ils soient répartis sur toute l'Europe. Il faut que les personnes comprennent que les migrants ne leur prennent rien. Oui, c'est ça. Mais après, moi, je vois, par exemple, là, le petit reportage que j'ai vu donc, sur le ministre de l'Intérieur. Salvini. Voilà. Oui. Donc déjà, dès l'instant que la journaliste essaye de lui parler de ça, il est hyper agressif. Il fait comprendre qu'en gros, il veut... c'est un peu dégoûtant le mot, mais il veut tous les dégager dans d'autres frontières, mais pas celles de son pays, quoi. Il y a un maire d'une petite ville de Sicile qui est en prison actuellement parce qu'il les a accueillis. Il a accueilli les migrants. J'en ai entendu parler aussi. Et ça, c'est grave, quoi. C'est grave. Alors qu'il était... Il propose de l'aide, quoi. Il propose de l'aide. Il fait revivre son village qui était moribond parce que les personnes étaient parties à la ville. Et ils sont, la population est ravie de voir ce village qui revit, qui a à nouveau un boulanger, qui a à nouveau un épicier, qui a à nouveau... c'est une ville qui vit à nouveau, alors que le village était fantôme. Bah, ça se passe aussi pas mal, que ce soit dans les Vosges ou dans la France. Hein, des familles qui sont accueillies par des personnes lambda, des citoyens. Donc ils les accueillent et en contrepartie, ils les aident dans les champs. Ou... Exactement. Voilà. Et donc, j'avais encore vu un reportage. Donc le monsieur était très, très ravi de ces personnes. Ils étaient trois. Ils avaient très bien appris le français en très peu de temps. Ils aidaient énormément, que ce soit pour faire à manger, que ce soit pour le bétail, etc. Et ils donnaient beaucoup de services aussi aux voisins qui habitaient à côté. Il y en a un qui allait à droite, un qui allait à gauche, etc. etc. Et quand la police a voulu venir les chercher, ils se sont tous mis... ils sont tous opposés, mais ils ont réussi. Mmh. Et ils y sont allés à un moment où il n'y avait personne de prévenu, et ils ont réussi à les embarquer, quoi. Donc, ce que je voulais vous dire aussi par rapport aux frontières, il y a un homme qui s'appelle Cédric Héroux, qui est accusé de délit de solidarité. C'est un délit. C'est un délit, la solidarité. Je connais trois personnes qui sont accusées de délit de solidarité. Donc, il y a Cédric Héroux, il y a Pierre-Marc Mimouni et Martine Landry. Ces personnes-là habitent à la frontière italienne, il y en a un qui habite Nice, deux qui habitent Nice et un qui habite dans la vallée de la Roya. Et ces personnes-là, ce qui se passe à la frontière italienne, c'est qu'il y a des mineurs qui rentrent, qui suivent, comme il y a la frontière, ils ont créé une frontière sur le territoire français. Et pour éviter cette frontière-là, les gamins et les adultes montent par l'ancienne voie de chemin de fer, ils montent dans une vallée qui s'appelle la vallée de la Roya. Mmh. Et qui retournent vers l'Italie. C'est-à-dire que s'ils continuent à monter, ils se retrouvent à nouveau en Italie. Et c'est les Alpes. Donc en hiver, s'ils continuent à monter, ils vont mourir de froid parce qu'ils ne sont pas équipés pour affronter le froid. Ils arrivent chez Cédric Héroux. Cédric Héroux leur dit « Non, vous ne montez pas. » Les aide et les emmène à Nice. Donc il est considéré comme passeur. Oui, mais s'ils les avaient emmenés en Italie ou ils les avaient laissés monter, il aurait laissé des vies... Enfin, exactement. C'est une non-assistance à personne en danger. Voilà, c'est contradictoire en fait. Et donc Pierre-Alain Mimouni, pareil, il y a des amis qui sont dans la vallée de la Roya. Et un jour, en redescendant en hiver, en redescendant de la vallée de la Roya, il voit trois Soudanais qui montaient. Donc il s'arrête. Et voyant qu'ils n'avaient pas grand-chose sur le dos, il leur a dit « Non, vous montez pas. Là, vous allez mourir de froid. » Donc il les redescend jusqu'à Nice. Première fois, ça passe. Il remonte quelques semaines plus tard, il remonte dans la vallée de la Roya. Il voit, pareil, trois femmes, cette fois, qui montaient. Et il redescend à Nice. Elle est arrivée sur l'autoroute, il s'est fait arrêter par la gendarmerie. Et on l'a considéré comme passeur. Ouais, mais sauf que lui, en fait, il sauve des vies. Oui. Il ne se fait pas de business. Ben non, Voilà, ne montez pas, vous allez retourner en Italie, n'allez pas là, vous allez mourir de froid. Donc il y a sur l'histoire de Cédric Héroux, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Libre et qui va passer ces prochaines semaines à Épinal au cinéma Palace. D'accord. Et il passerait pas à Remiremont, non ? Non, pour l'instant c'est prévu à Épinal. D'accord. Moi je trouve que c'est une bonne action. Un film vraiment à voir parce que ça explique vraiment ce qu'il se passe et qu'il ne fait pas ça. Par des raisons financières, ou que il fait soit ça par passeur. De façon humaniste. C'est un humaniste. Mais est-ce que quand il s'est fait arrêter, les gendarmes ont posé des questions à ces personnes pour savoir s'il y avait eu de l'argent, un truc quoi. Ça, j'étais pas là lorsqu'il était interrogé. Mais donc voilà, ce qui se passe, c'est que il va pas les chercher. C'est que c'est des gens qui montent et qui risquent leur vie s'ils continuent à monter la montagne. Il interpelle juste et il dit stop voilà, quoi. Vous allez mourir. Oui. Donc alors, on fait quoi ? On les laisse mourir ? On les aide ? Je vous dis, on va communiquer. Je vous préviendrai à Radio Gamozo quand ce film va passer. Parce que c'est vraiment un film à voir et qui ouvre les yeux sur ce qu'il se passe. Puis ça ouvre les esprits de certains aussi, je pense. Et l'esprit aussi. Bon, écoutez, je vous remercie d'être venu. C'était une très belle émission. Merci. J'ai été très ravie de vous recevoir et j'espère vous voir très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, au revoir.